Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal. Mais d'abord, les principaux titres. Le facilitateur dans la crise inter-burundais s'est entretenu ce samedi avec les anciens chefs d'État burundais et d'autres anciens hauts cadres en exil. L'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya, salue le fait que Benjamin William Mkapa réunit tout le monde pour bien préparer la prochaine séance de dialogue. Le 12 juin, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Cette année, elle met l'accent sur le travail des enfants dans les chaînes de production. En 2012, l'Organisation internationale du travail estime qu'en Afrique subsaharienne, 9 millions d'enfants, soit plus d'un sur cinq, étaient employés contre leur gré. Dans ce journal, on va également se rendre à Muyinga, où une vingtaine d'hommes a été transférée à la prison centrale de Muyinga, faute de quoi ils sont poursuivis pour participation aux groupes armés. Albert Ndouayo assure la mise en onde au micro, mais à Médard Niomourou, bienvenue encore une fois. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour, le facilitateur dans la crise inter-burundais s'est entretenu ce samedi avec les anciens chefs d'État burundais et d'autres anciens hauts cadres en exil. L'ancien président Sylvestre Ntibantunganya salue le fait que le facilitateur Benjamin William Mkapa est en train de tout réunir pour bien se préparer à la prochaine séance de dialogue. Le président Ntibantunganya se réjouit aussi que le facilitateur Mkapa est en train de manifester la volonté d'écouter tous les protagonistes à la crise burundaise. Suivez-le. Le président Mkapa nous a manifesté cette qualité qu'on doit souligner, la volonté d'écoute de toutes les parties. Il nous a réservé suffisamment de temps pour écouter comment les différents protagonistes qu'il a rencontrés au niveau du CNARED comprennent la nature de la crise burundaise et surtout ce qui devrait être envisagé comme voie de dialogue et comme voie de négociation pour arriver à une solution à cette crise burundaise. Nous nous félicitons donc qu'il a pu rencontrer l'ensemble de l'histoire du CNARED, mais également dans des groupes séparés, les anciens responsables de l'État qui étaient ici, mais également les responsables des partis politiques et autres organisations membres du CNARED. Vous, en tant qu'ancien chef d'État et autres anciens au cadre du pays, qu'est-ce que vous lui avez soumis comme proposition à la crise actuelle? Et notre souci était d'abord effectivement de l'aider à comprendre la nature de la crise burundaise, mais également d'insister pour que toutes les parties, y compris le CNARED, qui peuvent contribuer à donner des solutions, soient invitées à ce dialogue, soient invitées à ces négociations. Nous avons constaté qu'il a compris cela. Nous attendons maintenant les prochains rendez-vous et nous croyons que le président Mkapa va prendre toutes les dispositions nécessaires pour que tous ceux qui sont concernés soient invités. Sylvestre Ntibantunganya était au téléphone de notre confrère Aubin Niyonguru. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation est un accord qu'il faut protéger parce que ce texte a permis au Burundi de mettre en place des institutions, une armée, une police qui inspire confiance au Burundi. C'est du moins la déclaration de l'honorable Zeno Ndaruvukanye, député du sein des DFDD. Plutôt, il souligne que des textes additionnels pour lever les réserves que comprend cet accord peuvent être concis. L'honorable Zeno Ndaruvukanye était l'invité de l'émission Mosaïque de ce samedi. C'est un accord qui a été fait et qui a des termes difficiles peut-être à reviser, peut-être à moins qu'il y ait des textes additionnels. Des textes additionnels à Arusha. Vous savez aussi, ceux qui ont signé à Arusha, il y en a qui ont signé avec les réserves. Vous vous rappelez, il faut alors peut-être voir si on peut lever ces réserves et avoir un texte complet. Oui, ces derniers jours, dans les débats organisés justement par la CNDI, il y a des gens qui proposent qu'on supprime carrément l'accord d'Arusha. Moi, je ne suis pas de cet avis, parce que l'accord d'Arusha nous a aidés à être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est un accord qu'il faut protéger, parce qu'il fait la base de cette unité que nous avons aujourd'hui. Vous savez qu'il y avait eu cette histoire du 5 février, c'est le 5 février, la fête de l'unité. De l'unité, oui. Vous savez que ça n'a pas apporté beaucoup de choses pouvant amener le Burundi à la stabilité, surtout à la cohabitation entre les différentes composantes du Burundi. Ouais. Mais avec l'accord d'Arusha, nous avons pu avoir d'abord des corps de défense et de sécurité qui font confiance à la population. Et la population avait confiance à ses forces. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, toutes les tentatives de les diviser ont échoué. Et même le putsch qui a été organisé a échoué, puisque ces corps inspire la confiance de la population. Page sécurité de ce journal. Une personne est morte, fusillée ce samedi soir dans la commune de Mugui de la province de Cibitoke. La victime aurait été tirée à bout portant par un brigadier de la position d'Ongoma dans la même commune. Ce policier est présumé auteur a été immédiatement arrêté. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le journal continue sur Isanganiro. Ce dimanche 12 juin est marqué par la Journée mondiale contre le travail des enfants. Cette année, elle met l'accent sur le travail des enfants dans les chaînes de production. 168 millions d'enfants sont encore employés contre leur gré dans le monde, principalement en Asie et en Afrique, surtout dans le secteur agricole. Mais alors que le nombre d'enfants au travail se réduit rapidement à l'échelle mondiale, la tendance à la baisse n'est pas aussi nette en Afrique subsaharienne. En 2012, l'Organisation internationale du travail estime qu'en Afrique subsaharienne, 59 millions d'enfants, soit plus d'un 1 sur 5, étaient employés contre leur gré, une proportion deux fois supérieure au reste du monde. Parmi eux, près de 28 millions occupent un travail dangereux, extraction minière, exploitation sexuelle ou encore une fois enfants soldats. Cela représente un enfant sur 10, proportion largement supérieure aux autres régions du monde. En cette journée internationale de lutte contre le travail des enfants, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, Fenade Bansigle, a sorti un communiqué où elle demande au gouvernement du Burundi de ratifier la convention de numéro 189 concernant le travail décent pour les travailleurs et travailleuses domestiques. FENADEB rappelle que plusieurs enfants sont employés dans les ménages conformément aux résultats de l'enquête effectuée par l'ISTEBU en 2014. Dans les provinces de Ngozi, Gitega, Rumonge et Bujumbura-Mairie, 19 000 enfants étaient des domestiques, dont 46% étaient âgés d'au moins de 16 ans. FENADEB constate que c'est une perte énorme pour le pays, car ces enfants commencent ce travail après avoir abandonné l'école. Et puis toujours la journée d'aujourd'hui, où le monde entier célèbre tous les 12 juin de chaque année, la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Ce travail est un phénomène qui existe bel et bien au Burundi, selon l'organisation ONLCT, où est ton frère, qui lutte contre le trafic des êtres humains. Dans une déclaration sortie ce 12 juin, Maître Mbarouke Prime, représentant légal de cette association, appelle les enfants à ne plus abandonner l'école pour aller chercher du travail et au gouvernement de combattre à jamais les abandons à l'école, notamment en relançant la politique des cantines scolaires. Le point avec Placide Niyomungiri. D'après cette association, l'enfant devrait être soumis à de telles activités à l'âge pouvant aller à plus de 16 ans. Au Burundi, comme l'indique Maître Prime Mbarubukeye, certains de ces mineurs quittent l'école à la recherche de l'argent. Ici, ils donnent certaines provinces qui prennent le devant. Au Burundi, ce genre de travaux faits aux enfants est une triste réalité parce que nous les trouvons dans certaines provinces du pays comme Bujumbura, Mairie, Gitega, Ngozi, Bururi, Rutana, Muyinga, Akayanza par exemple. Les enfants abandonnent les écoles pour aller transporter des briques cuites à Muyinga ou ailleurs des gisements de minerais. Et au gouvernement, nous demandons à ce qu'ils puissent remettre en place la politique de cantine scolaire parce que de par le passé, nous avons vu que cette politique de cantine scolaire a pu maintenir les enfants à l'école. Maître Prime Mbarubukeye interpelle le Burundi et la communauté internationale d'arrêter des stratégies juridiques visant la protection effective du droit de l'enfant. Nous demandons à l'État d'organiser les états généraux de la famille qui est actuellement en dislocation pour les enfants également, se trouvant actuellement dans les engrenages du travail forcé afin d'arrêter justement les stratégies juridiques et des mesures draconiennes visant la protection effective de l'enfant et le retour à la raison de certains parents démissionnaires par rapport à l'éducation de leurs enfants. Prime Mbarubuke de l'ONLCT revient également sur l'urgente suspension des activités de la société Loyal Services qui n'est enregistrée nulle part D'après lui, dans ces missions figure l'exploitation des mineurs envoyés à l'étranger. Signalons que dans le monde entier, plus de 250 millions d'enfants, dont ceux qui ont l'âge compris entre 5 ans et 14 ans, sont soumis aux travaux menaçants, parmi lesquels 50 à 60 millions d'enfants sont soumis aux conditions dangereuses telles que la prostitution et la pornographie, comme le montrent les statistiques du Bureau international du travail. À 13h06 au studio de la radio Isanganiro, le journal continue. Au terme d'une visite de 3 jours d'une délégation des évêques africains au Burundi, cette délégation informe que c'est avec souffrance qu'ils ont entendu l'effectif des Burundais qui ont trouvé la mort dans cette crise. Mais ils gardent espoir de constater qu'une grande partie des Burundais œuvrent pour la paix. C'est dans un communiqué qu'ils ont lié à la cathédrale Regina Mundi après la messe dominicale. Le communiqué est lié en langue nationale par Frère Emmanuel Nakarutimana et puis traduit par, en français par Placide Niyomungeri. Twarashoboye gutyo kuganira n'abavukanye bacu abepiskopi na benegihugu. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec nos frères, les évêques et le peuple burundais. Nous avons compris que vous voulez continuer à renforcer ensemble la paix durable. Cette paix va plaire à tout le pays et l'Afrique en général. Nous avons vu de nos propres yeux votre souffrance. Nous avons également constaté que le pays a besoin d'une sécurité renforcée. Nous avons tellement souffert quand nous avons entendu le chiffre des personnes qui ont trouvé la mort au cours de cette crise. Quand nous voyons les biens et les maisons qui n'ont plus de propriétaires parce que ces derniers ont fui le pays, nous souffrons également. Nous avons été consolés de voir qu'il y a une grande partie de Burundais qui veulent la paix au Burundi. Nous avons gardé espoir quand nous avons entendu également qu'il y a certains de nos frères qui nous ont devancés pour venir voir. Nous remercions également l'initiative de l'Afrique de l'Est sur le dialogue déjà entamé à Arusha. La grâce de Dieu a poussé certains à baliser un tout petit peu le mal que connaît le Burundi ces derniers jours. Nous remercions beaucoup les évêques du Burundi et nous allons continuer à prier pour que le bon Dieu accompagne ces négociations pour asseoir une paix durable au Burundi. Biragirwa ngo bigarukane amahoro mu Burundi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À présent, on va passer aux informations des provinces et puis on va commencer par Muyinga où une vingtaine d'hommes a été transférés à la prison centrale de Muyinga, poursuivis pour participation aux groupes armés. Ils ont été triés sur la liste d'une centaine d'individus arrêtés en début du mois en province de la Tanzanie où ils affirment être partis travailler dans les plantations de tabac. Dieudonné Nzeimana nous en dit plus. Sur la centaine de jeunes hommes arrêtés en début du mois à leur arrivée au poste de frontière de Kovero en provenance de la Tanzanie, seulement une vingtaine reste gardée en prison de Muyinga. Le reste a été relâché jeudi. Au moment de leur arrestation, tous indiquaient être partis en Tanzanie travailler dans des plantations de tabac. Raison valable pour les uns et rejetée par l'appareil judiciaire et sécuritaire de Muyinga pour les autres. Des soupçons de participation aux groupes armés pèsent sur ces jeunes gardés toujours en prison. D'après des sources policières, un homme se présenta comme ayant renoncé à sa participation aux groupes armés, s'est présenté à la police. Il pointait du doigt sur ces hommes comme quoi il les aurait vus lors d'une formation militaire au Rwanda. Les enquêtes continuent. Les proches de ces détenus, triés sur la liste de plus de 100 individus, demandent à la justice d'accélérer ces enquêtes pour que soit prouvé le lien entre les dires de témoins à charge et les explications de ces jeunes indiquant avoir séjourné qu'en Tanzanie. Le Denenzeimana, Muyinga Radio Isanganiro. De Muyinga, on sera au sud de 10 pays où certains, parmi la population de la colline Kizuka, en commune et province Rumonge, dénoncent ce qu'ils appellent vol planifié par l'Agence burundaise de l'électrification rurale, ABR en sigle, en leur faisant payer doublement les mêmes compteurs. Ces habitants lésés demandent que leur première facture leur soit remboursée. De Rumonge, Jean-Pierre Misago. Comme le disent certains parmi ses habitants, ils ont acheté des compteurs à l'agence burundaise d'électrification rurale, ABER en sigle, et leur sont parvenus par le biais des techniciens de cette agence. Curieusement, l'ABER exige que ces compteurs soient de nouveau payés. Ici, à Kizuka, nous avons eu des compteurs. Ces compteurs, on les a payés. Ce sont surtout les techniciens de l'ABER qui ont amené ces compteurs. Et puis nous avons payé. Mais malheureusement, maintenant, les autorités de l'ABER viennent nous accuser que ces comptes sont fraudulés, que nous devions payer doublement. De peur de voir leur fourniture d'eau courant électrique stoppée, ils ont accepté de payer de nouveau. L'ABER nous exigeait de payer, sinon ils vont faire coupure de l'électricité. Alors que nous avons besoin, nous avons des enfants qui étudient, qui ont besoin de l'éclairage, et puis nous nous sommes engagés de payer de nouveau. À l'heure actuelle, ces habitants qui se disent victimes d'un vol planifié demandent à l'ABER de leur rembourser les premiers devis. Que l'ABER puisse nous donner les frais que nous avons donnés pour les devis, que l'ABER ne reconnaît pas que ces devis sont corrects. À ce sujet, nous avons cherché la réaction du directeur administratif et financier à cette agence sans succès. De son côté, Célestin Nitanga, administrateur communal de Rumonge, dit qu'il suit de près cette question. Dans un premier temps, un compteur monophasé s'obtenait à 600 000 francs burundais et celui triphasé à 900 000 francs burundais. Lors de la deuxième facturation, un compteur monophasé s'obtient à 308 000 francs 688 et celui triphasé à 700 000 francs burundais. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. D'ici d'un retour au centre du pays où la récolte n'a pas du tout été bonne cette année, comme le dit la population de la commune Guichouvi dans la province de Gitega. La cause est qu'ils ont eu tardivement les engrais chimiques, mais aussi le climat qui n'a pas été du tout bon. Ceci est affirmé par la conseillère de l'administrateur de Guichouvi chargée des affaires administratives et sociales. Le point avec Arthur Kavaouchi. Dans la commune de Guichouvi, la récolte n'a pas été bonne cette année. Les habitants de cette commune disent que beaucoup de cultivateurs ont eu les engrais chimiques tardivement, mais que pour ceux qui l'ont eu dans les délais, ils ont pu récolter, même si ce qu'ils ont récolté est peu. La population de Guichouvi demande que l'engrais chimique soit disponible à temps. Ils indiquent qu'actuellement, le prix des denrées de première nécessité a grimpé sur le marché. Un kilo de manioc qui coûtait 1000 francs, actuellement, il coûte 4000 francs bourg. Nahabandi Fleury, des conseillers de l'administrateur de Guichouvi, chargé des affaires administratives et sociales, et fait savoir qu'il y a eu changement climatique qui a occasionné des pluies diluviennes qui ont dévasté les champs. Cette conseillère dit qu'ils ont déjà sensibilisé la population de tracer les courbes de niveau pour protéger la terre cultivable et de bien préparer la nouvelle saison culturelle. Elle demande également aux commerçants de fixer un tarif qui n'est pas assez élevé, même si c'est difficile. Elle indique que les marchandises qui coûtent cher viennent d'autres communes car les commerçants calculent le transport. Manyang El Menegis est le directeur de la DPAE Gitega. Il dit qu'à propos des engrais chimiques, plus de 50% de cultivateurs ont eu les engrais chimiques avant la plantation et que 30% l'ont eu en pleine saison et moins de 20% l'ont eu avec un léger retard. Il fait savoir que le problème n'est pas les engrais chimiques. Plutôt, il leur demande de mélanger les fertilisants traditionnels avec les engrais chimiques afin d'avoir une bonne récolte. Le directeur de la DPAE Gitega dit que comparativement à l'année passée, la récolte a diminué, mais qu'on ne peut pas parler de mauvaise récolte. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur, et c'est par ici conclure ce journal. Mais à tout qui vient de nous capter, je vous rappelle que le facilitateur dans la crise inter-burundais s'est entretenu ce samedi avec les anciens chefs d'État burundais et d'autres anciens hauts cadres en exil. L'ancien président Sylvestre Ntibantunganya salue le fait que Benjamin William Mkapa réunit tout le monde pour bien préparer la prochaine séance de dialogue. Et puis le 12 juin, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Cette année, elle met l'accent sur le travail des enfants dans les chaînes de production. En 2012, l'Organisation internationale du travail estime qu'en Afrique subsaharienne, 59 millions d'enfants, soit plus de 1 sur 5, étaient employés contre leur gré. Et puis, on a parlé de l'information en provenance des provinces où on s'est rendu en province de Muyinga où une vingtaine d'hommes a été transférés à la prison centrale de Muyinga, faute de quoi ils sont poursuivis pour participation aux groupes armés. Voilà, merci à Albert Ndouayo qui a assuré la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Médard Niomourou. Excellente journée dominicale à toutes et à tous.